Gros cornichon! S'écria-t-elle en poussant un infernal éclat de rire. Voilà la manière dont les femmes pieuses s'y prennent pour vous tirer une carotte de 200 000 francs. Et toi, qui parles du maréchal de Richelieu, cet original de Lovelace, tu te laisses prendre à ce pensif-là. Comme dit Steinbock, je t'en arracherais des 200 000 francs, moi, si je voulais, grand imbécile. Garde donc ton argent. Si tu en as de trop, ce trop t'appartient. Si tu donnes 2 sous à cette femme respectable, qui fait de la piété parce qu'elle a 57 ans, nous ne nous reverrons jamais, et tu la prendras pour maîtresse. Tu me reviendras le lendemain tout meurtri de ses caresses anguleuses, et sous de ses larmes, de ses petits bonnets guingués, de ses pleurnicheries qui doivent faire de ses faveurs des averses. Le fait est, dit Crevel, que 200 000 francs, c'est de l'argent. Elles ont bon appétit, les femmes pieuses. Ah, microscope! Elles vendent mieux leurs services que nous ne vendons ce qu'il y a de plus rare et de plus certain sur la terre, le plaisir. Et elles font des romans. Non, ah, je les connais, j'en ai vu chez ma mère. Elles se croient tout permis pour l'église, pour « Tiens, tu devrais être honteux, ma biche. Toi, si peu donnant, car tu ne m'as pas donné 200 000 francs en tout à moi. » « Ah, si !» reprit Crevel. « Rien que le petit hôtel coûtera cela. »« Tu as donc alors 400 000 francs ?» dit-elle d'un air rêveur. « Non. Eh bien, monsieur, vous vouliez prêter à cette vieille horreur les 200 000 francs de mon hôtel. En voilà un crime de lèse-louloute. »